Voici votre bulletin régional pour le 6 décembre. Les chevaliers que l'on distinguisse passeront le guignolé le 7 décembre. Le brunch des chevaliers que l'on d'Askelcorner se déroulera le 7 décembre dès 9h à la salle multifonctionnelle. 8$ par adulte. Le 8 décembre à 19h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Scotstown, on présente « Maman, j'ai raté l'avion ». Version française du film Home Alone, entrée libre. Le souper mensuel de fèves au lard et jambon des chevaliers que l'on distinguisse aura lieu le 9 décembre à 17h30. C'est pour tous.